certains soirs, quand je m'ennuie, je connais un coin dans Paris où l'on se rencontre entre amis pour faire une jam. Chacun prenant son instrument, qu'il soit à cordes ou bien à vent, laisse parler son tempérament pour faire une jam. Comme je ne suis pas musicien, mais que vraiment j'aime ça, je rythme en frappant dans mes mains et chante bip dou dou dou dou ba. Car quand on est dans cette ambiance, les mots n'ont aucune importance. Le principal, c'est que ça balance pour faire une jam. On perd en l'éclair d'un instant la notion du lieu et du temps, et l'on oublie ses embêtements pour faire une jam. C'est l'heure de l'improvisation, des chorus et des citations, car on se donne avec passion pour faire une jam. Nos aînés ne trouvent pas normal ces explosions de joie, mais au fond, que fait-on de mal en chantant Abdouliababdouba? En bras de chemise, parce qu'on a chaud, on se donne à fond les yeux mi-clos, car plus ça chauffe et mieux ça vaut pour faire une jam. Nos peines, nos joies, nos ivresses, dans ces rythmes se reconnaissent. Il faut la foi de la jeunesse pour faire une jam. La batterie roule, la basse craque, le piano chante, les cuivres attaquent. De toutes parts, les notes claquent pour faire une jam. Quand on a le jazz dans le sang et jusqu'au bout des doigts, et que l'on est pris 100%, on chante hip-hip ndou-bou-dou-ndou-ba. Au petit jour, sur le trottoir, les traits tirés, le teint blafard, comme un regret en